Je suis fier comme l'Algérie, comme dit Mustapha Fiah. Je coule comme un Bélisbi, trop vert dans la vallée. J'ai ma bande, et ma bande c'est mon sang OP pour te la mettre. Et si je bande, c'est pas ma faute, tous les arabes bougent la tête. Eh eh, bis, joyeux quand on tisse, carré dans nos bis, que des 10, j'suis ni le joint et le cuisse. Arrache ou je veux lisse, comme ma gant, le mental gainé, ouais le cœur gainé. Et attends, j'suis ni entêté, parce qu'elle veut t'aider maintenant. Monte le son et stream, et même si t'es chim, t'es maton. Mon n'est pas un dream, ouais le son est green et le maton. J'suis mis devant son zen, j'cris. Liberta, matata, Akunya mama, à toutes les chmetas, à la lao. Fini de jouer les cons, j'armais tes petits ponts. C'est tes aides, t'as tes ou tes aides. Ego tous tes aimes, dans l'action, j'leur déploie mes ailes. J'prie et j'finis seul dans ma ponce. Nique tout sur la scène et j'fais bander la scène. Tahia, tahia, PME. Tahia, tahia, Jedi. Tahia, tahia, PME. Tahia, tahia, Jedi. Tahia, tahia, PME. تحيا تحيا جدي تحيا تحيا بيني تحيا تحيا جدي. Fais le tour d'Alger avec AD. Ça fait longtemps qu'on n'était pas passé. Sur le terrain on était bloqué. À détailler et à tirer. Spit un game français. Sans jamais succès. Normal ça vient du ZD. Nous c'est mon et mon mais. Tour de la ville avec Aya. Après les showcases et les bengas. Fais fumer sur ta jambe et gars. Senda, patata. J'lui fais faire un tour canbé. Elle s'accroche à mon cœur, ma liberté. Que la mif s'est tarterée. C'est Alger, un peu trop corsé. Tahia, tahia, PME. Tahia, tahia, Jedi. Tahia, tahia, PME. تحيا تحيا جدي تحيا تحيا بيني تحيا تحيا جدي تحيا تحيا بيني تحيا تحيا جدي.